Ceci est un audio généré issu de l'article Les Safous Mukultra, ces appartements secrets où la CIA testait le LSD sur des gens qui n'étaient pas au courant, disponible sur le site conspiract.com. Les sources utilisées sont disponibles sur le site. Bonne écoute à vous. Quand on parle de Mukultra, on imagine souvent des labos cachés, des blouses blanches, des pièces remplies de machines étranges. Mais une partie de cette histoire s'est jouée ailleurs. Dans des appartements tout ce qu'il y a de plus banal, au coin d'une rue comme les autres. Dans le jargon de la CIA, une safouze, c'est une planque. Un endroit qui semble normal, mais qui sert en réalité à des opérations très sensibles. Pour Mukultra, ces safouzes prennent la forme d'appartements loués discrètement, parfois dans de grandes villes comme San Francisco. Des lieux où l'on peut observer des cobayes humains, sans qu'ils sachent qu'ils participent à une expérience. Les documents déclassifiés, ainsi que des témoignages rapportés dans des enquêtes et des livres, décrivent ces appartements comme de véritables laboratoires hors des murs officiels. Le but, c'est de tester le comportement humain dans des conditions réelles, loin de l'ambiance aseptisée d'un hôpital ou d'un centre de recherche. Mais pourquoi la CIA s'intéresse-t-elle autant au LSD, à cette époque ? On est en pleine guerre froide. L'obsession, c'est le contrôle. Contrôler l'ennemi, contrôler l'information, et pourquoi pas, contrôler l'esprit humain. Le LSD intrigue les services de renseignement. Cette drogue psychédélique a la capacité de modifier la perception, de désorienter, de fragiliser quelqu'un. Alors une question commence à tourner dans certains bureaux. Est-ce qu'on pourrait utiliser ça pour faire parler quelqu'un ? Pour briser une volonté ? Pour manipuler une personne au point qu'elle ne sache même plus ce qu'elle fait ? C'est là que les safous entrent en scène. Dans ces appartements, des personnes sont invitées pour ce qui ressemble à une soirée tout à fait ordinaire. On leur propose un verre. On discute. On détend l'atmosphère. Mais ce que les invités ignorent, c'est que leur boisson contient du LSD ou d'autres substances à tester. Derrière un miroir sans teint, ou dans une pièce voisine, des agents observent. Ils regardent chaque détail, les gestes, les paroles, les paniques, les rires nerveux, les pertes de contrôle. Ils prennent des notes. Le moindre changement de comportement devient une donnée exploitable. L'ambiance n'a rien à voir avec un laboratoire. Ce sont des salons, des chambres, des cuisines. Parfois, des situations intimes, voire humiliantes, deviennent matière à observation. Les personnes, elles, n'ont pas donné un consentement réel. Elles croient vivre une soirée un peu étrange, un peu floue. Elles ne savent pas qu'elles sont au cœur d'un programme de la CIA. Des archives rendues publiques, consultables par exemple via la FOIA Reading Room de la CIA ou dans les collections du National Security Archive, confirment l'existence de ces safouzes et de ces tests hors cadre hospitalier. On y retrouve des descriptions de sous-projets, des allusions à des appartements utilisés pour tester des drogues et observer les réactions des sujets. Certaines recherches historiques et enquêtes journalistiques viennent compléter ces pièces, en racontant plus en détail ce qui se passait, notamment dans ce qu'on a appelé Opération Midnight Climax, liée à ces appartements piégés. Bien sûr, une grande part des dossiers Mukultra a été détruite dans les années 70. Cela laisse des zones d'ombre. Ce qu'on sait aujourd'hui, on le sait à travers ce qui a échappé à la destruction, les témoignages, les auditions au Sénat et les rares documents restants. Dans les safouzes, quand l'effet du LSD commence à monter, les réactions deviennent parfois extrêmes. Crise d'angoisse, confusion totale, sensation de perdre pied. Pour les agents, ce sont des données. Pour les personnes qui vivent ça, ce sont des expériences marquantes, parfois traumatisantes, qu'elles ne pourront pas toujours expliquer. Une fois la soirée terminée, beaucoup repartent sans jamais comprendre ce qui s'est réellement passé. Pour eux, ce sera un mauvais trip, un souvenir flou, une nuit bizarre. Pour la CIA, ce sera une ligne de plus dans un rapport, une expérience de plus dans un programme immense. Les safous Mukultra ne sont qu'une pièce d'un puzzle plus vaste. Mais elle montre à quel point la frontière entre recherche, peur de l'ennemi et abus total peut se brouiller. Elle pose une question dérangeante, jusqu'où peut aller une institution quand elle se convainc que la fin justifie les moyens ? Derrière le côté presque cinématographique de ces appartements secrets, il y a des vies bien réelles. Des gens ordinaires, qui n'avaient aucune idée qu'un jour, leur esprit deviendrait un terrain de jeu pour un programme de contrôle du comportement. En écoutant cette histoire, chacun peut se demander ce que ces expériences disent de notre rapport au pouvoir, à la confiance, et aux limites qu'on accepte ou qu'on laisse franchir au nom de la sécurité ou de la raison d'État.